hôpital en studio. On fait caboyer, j'passe pas en radio ni en Audi. J'suis sur le vélo, j'fais des balades. Mélo, pas de gala, j'fais des hello à la pause, j'attends les colis. Forfait avant le début du match, gros. Tu veux du cash, on veut la fin du cash avant la fin du match. J'ai ma Volvic, j'ai la forme, j'ai pas de roulis, c'est la base. J'ai la colis quand tu passes, j'attends la fin de leur monde. Hey, un point de self-fair, j'emmerde les E, les bleus, la NPE, elle est demi-dieu. Un 3, 1, 2, c'est le feuille. J'emmerde les E, les bleus, la NPE, elle est demi-dieu. Un 3, 1, 2, c'est le feuille. J'emmerde les E, les bleus, la NPE, elle est demi-dieu. Un 3, 1, 2, c'est le feuille. J'emmerde les E, les bleus, la NPE, elle est demi-demi. Un 3, 1, 2, c'est le feuille. J'emmerde les E, les bleus, la NPE, elle est demi-dieu. Un 3, 1, 2, c'est le feuille. J'emmerde les E, les bleus, la NPE, elle est demi-dieu. J'arrive en France comme une power puff, la dose. J'ai la super puff, la paire de deux. J'ai un super bluff, ils ont des super keufs. Elle rêve de la pause club, j'ai pas travaillé. Elle rêve de la norme, rappeur tout douillé. F la noblesse et petit papier, on est venu tout piller. On a aucun billet, t'es seul dans ta caisse, on est plein d'appuyés. Ni rookie ni professeur, les mon antidépresseur. Cookie dans mon processeur, pour les majors j'ai mon majeur. C'est le feu, j'emmerde les E, les bleus, la NPE, elle est demi-dieu. Un 3, 1, 2, c'est le feu, j'emmerde les E, les bleus, la NPE, elle est demi-demi. Un 3, 1, 2, c'est le feu, j'emmerde les E, les bleus, la NPE, elle est demi-dieu. Un 3, 1, 2, c'est le feu, j'emmerde les E, les bleus, la NPE, elle est demi-dieu.